L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Queirouga. Bonjour. Bonjour. Anthony. Anthony, donc on est dans un jardin d'une maison. Oui, alors c'est le jardin Pouplier. Donc un jardin que l'asso, le Sens de l'Humus, s'occupe. Le jardin et la maison appartenaient anciennement à Madame Geneviève Pouplier, qui est décédée il y a plus d'un an. Qui l'a cédé à l'association du coup ? En fait, le Sens de l'Humus accompagnait Geneviève durant ses dernières années et s'occupait du jardin en même temps qu'elle, quoi. Et en même temps, la famille, du coup, quand elle est décédée, elle a accepté le fait que l'association continue à s'occuper du jardin et de la maison. D'accord, donc sur cette butte à Montreuil, juste à côté des murs à pêche, les fameux murs à pêche qui approvisionnaient Paris en fruits et en pêche notamment. Exactement, oui. Et en plus de ça, par rapport à Geneviève, c'est qu'elle, en fait, elle était connue, spécialement à Montreuil, parce qu'elle faisait beaucoup de cultures, de dahlias, de plein de variétés différentes. Et en fait, elle avait une petite charrette, elle mettait toutes ses dahlias sur sa charrette et elle partait jusqu'au marché d'Aligre dans le 12e arrondissement, à pied, vendre ses fleurs. Aujourd'hui, donc, c'est un jardin solidaire ? Oui, qui regroupe plein d'activités. Entre autres, un jardin solidaire où des gens viennent apprendre des choses, obtenir des compétences sur le jardin. On organise plein d'événements, on ouvre le jardin pour que les gens puissent découvrir aussi les murs à pêche. On fait des formations au jardinage, au compostage, à la permaculture. On organise tout un tas de choses, quoi. D'accord. Alors on va voir un peu ce jardin. Oui. Donc le jardin, il y a à peu près 4 parcelles qui sont coupées justement par les murs. La parcelle centrale, celle où il y a la maison, c'est la parcelle privée qui appartenait à Geneviève. La ville, le département nous laisse en gros occuper les autres parcelles. Ça doit faire, je ne sais pas exactement la taille, mais c'est grand, facilement c'est plus grand. D'un hectare. Oui, un grand, grand, grand jardin. C'est grand, c'est beau, c'est très, très varié. Il y a des fleurs, on voit qu'il y a vraiment une pratique agro-écologique. Oui. Il y a du broyat de bois. Oui, et vraiment, c'est donc Françoise qui s'occupe du jardin. C'est vrai qu'il est vraiment magnifique, magnifique à voir. Pourtant, on n'est vraiment pas à la meilleure période de l'année, c'est le début du printemps, donc normalement c'est un petit peu triste. Oui, mais il est déjà très beau, c'était vraiment pendant l'hiver où c'était triste de venir, mais là il est vraiment, vraiment beau. Et puis après, oui, cet été il sera encore beaucoup plus beau, quoi. Françoise, elle est là toute la semaine, donc elle s'en occupe vraiment toute la semaine. Donc au Sens de l'Humus, votre objectif principal, c'est aussi un changement de regard sur la nature. Quand je dois résumer la chose, je dis qu'on s'occupe de manière générale à l'écologie et l'agriculture urbaine. Mais derrière ça, il y a aussi des humains, des personnes qui viennent dans ce jardin et qui se reconnectent à la terre, non ? Oui. La plupart des gens, ils viennent aussi pour ça. Il n'y a pas forcément que des Montreuillois, il y a des gens qui viennent des villes à côté. Fontenay-sous-Bois, Romainville, etc., Noisy-le-Sec. Beaucoup de gens, du coup, commencent à entendre parler aussi du Sens de l'Humus. Des gens viennent pour toutes ces raisons. Et puis c'est vrai aussi, d'un point de vue politique, le fait de vouloir protéger ces lieux, les restaurer, pas que ce soit bétonné, construit, c'est tout un tas de gens qui partagent ces mêmes convictions et motivations. Alors protéger ces lieux, parce que ces lieux ont été des zones de production agricole très proches de Paris. Oui. C'est vrai que Montreuil, c'est quand même incroyable pour ça. Il y a beaucoup d'associations. Et tout le monde tient à protéger ces murs à pêche. D'ailleurs, il y en a un derrière toi, là. Oui. Il est dans un état assez délabré, mais c'est ce qui lui donne son charme. On voit justement le plâtre en partie qui s'est écroulé, certaines pierres qui sont devenues apparentes. Et il est délabré aussi sur le dessus, il y a des plantes qui poussent sur le dessus, sur les côtés. Mais alors du coup, les pêchers poussent le long de ce mur. Oui, alors les murs servaient en fait à capter la chaleur du soleil et à les rendre aux plantes, aux pêchers. D'accord. Et là, on a un magnifique hôtel à insectes. Exactement, oui. Très bel hôtel. Donc plein de petits bouts de bois qui sont rangés et qui permettent aux insectes de se reproduire, d'y poser leurs larves. Exactement. Plein d'insectes différents. Et on a une zone de compostage où on a assemblé plusieurs bacs et du coup, c'est ici qu'on composte dans le jardin. Donc toi, Anthony, tu travailles spécifiquement au sein de cette association Le Sens de l'Humus sur des projets de compostage. Sur le compostage collectif de quartier. L'idée, c'est que donc c'est pas seulement les gens qui habitent un même immeuble ou une même résidence, mais c'est les gens de tout un quartier qui compostent ensemble. Donc c'est des composts qui se retrouvent pas sur l'espace privé, mais principalement sur l'espace public. Par exemple, il y en a dans le square, juste à côté de la mairie. Dans beaucoup de squares, on installe des composteurs ou des coins de rue, des espaces souvent végétalisés et entretenus par les agents des espaces verts de la mairie qui nous cèdent un bout de terrain pour pouvoir composter. Donc l'idée, c'est que nous, on trouve plein de gens qui sont motivés par cette action. Ça ne doit pas être facile, non ? Non, rassembler les gens, c'est un peu la partie que moi je trouve la plus difficile. Comment tu fais, toi ? Par tous les moyens que je peux, je contacte les maisons de quartier, j'assiste au conseil de quartier, je contacte un maximum d'associations, j'essaye de transmettre l'information par leur biais, par le biais des maisons de quartier, j'affiche, je tracte. Je tiens des stands dans des marchés, etc. J'utilise tous les moyens possibles et imaginables pour que les gens puissent apprendre que le compostage collectif de quartier, c'est possible et qu'il suffit juste de nous contacter pour pouvoir les poser. Et est-ce qu'il faut du coup que tu aies un nombre suffisant d'habitants dans un quartier pour mettre le composteur ? Oui, voilà, exactement. Donc en fait, on s'est mis une ligne, on va dire, d'un minimum de 15 habitants motivés par le projet. Alors qu'est-ce qui les motive ? Surtout c'est l'écologie, c'est d'éviter que tous ces déchets partent en incinération ou soient enfouis, parce que c'est 80% des gens qui compostent plutôt par geste écologique que par besoin du compost. Après il y a des gens aussi qui font les deux, qui compostent par geste écologique, mais aussi récupèrent le compost pour leur jardinière, leur jardin, etc. Mais c'est quand même principalement par geste écologique. Et puis nous aussi, c'est ce qu'on rappelle, que c'est bien d'utiliser toute cette matière, de la revaloriser, de l'utiliser dans les jardins, au lieu de tout simplement la brûler ou l'enfouir, quoi. Après, l'avantage du compostage de quartier, c'est justement qu'il se retrouve dans l'espace public. Et donc, ça prend pas de place pour les gens chez eux, dans leur jardin ou dans leur appartement ou dans leur maison. Donc ça prend aucune place et en plus de ça, c'est très facile à gérer parce que déjà, nous, on suit les composteurs sur un an, voire plus. Et ils sont beaucoup à composter. Par exemple, sur le compost qui se trouve à côté de la mairie de Montreuil, ils sont 220 foyers, plus de 220 foyers à composter au même endroit. Ça doit être énorme comme compost. Oui, ça fait beaucoup de mètres cubes produits. Et puis moi, d'ailleurs, comme il n'est pas totalement réutilisé, dès que je peux, j'essaye de le donner à des gens qui me contactent pour justement des jardins partagés, etc. quoi. Là, récemment, il y a une dame qui m'a contacté. Elle a installé des jardinières dans la rue, sur l'espace public. Elle avait besoin de beaucoup, beaucoup de compost. Et on a récupéré 3-4 mètres cubes de compost pour ces jardinières. Ça permet aussi de faire de la place pour les prochains dépôts. Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans ton travail ? C'est vraiment de faire le lien au début entre ces 15-20 premières personnes. Ça, c'est la partie la plus difficile de la mission, surtout quand le composteur n'est pas encore sur l'espace public. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, mais ça reste très virtuel dans l'esprit des gens. Et tant que ce n'est pas sur place, beaucoup de gens ne sont pas encore motivés ou prêts à se renseigner ou à prendre les devants pour son installation. Mais c'est des gens qui seront aussi motivés par la suite pour composter. Mais il y a des gens, il faut attendre que ce soit fait. Mm-hmm. Par exemple, il y a un composteur donc à côté de Croix-de-Chabot. Donc à Montreuil aussi. À Montreuil, oui. Et en fait, au début, Il y a eu 20-30 personnes qui ont formé le groupe, mais il a fallu presque 8 mois, 1 an pour avoir ces 15-20 personnes. Et une fois que le composteur a été installé, en fait, il a fallu à peu près l'espace d'un mois pour atteindre les plus de 120 personnes prêtes à composter et qui compostaient, quoi. Donc une fois que c'est sur l'espace public, après c'est très très très facile. La partie difficile, c'est de réunir les gens avant que les composteurs soient installés. D'accord. Et alors une fois que c'est installé, ça crée du lien, parce que tu dis ce qui est compliqué c'est de les réunir, mais au final ça crée du lien social, non ? Oui, bah c'est ça l'avantage du compostage de quartier, c'est que c'est plein de gens qui se rencontrent, qui souvent aussi deviennent amis. Et voilà, c'est plein de gens d'un même quartier, c'est pas seulement d'un même immeuble, donc, et qui se rencontrent en fait au même moment, parce qu'on incite les gens à ouvrir les composteurs une fois par semaine à des horaires précis sous forme de permanence. C'est pas nous qui à la base l'avons conseillé, mais c'est les premiers usagers de la compostière qui se trouve Place de la République à Montreuil, qui est là depuis plus de 7 ans. Et c'est les gens qui ont commencé à composter qui se sont dit « Ah tiens, ça serait bien qu'on fasse des horaires de permanence. Comme ça, nous, on se voit tous au même moment. On discute, on papote. Et puis en plus de ça, c'est beaucoup plus facile de s'occuper des composteurs parce qu'on est tous là au même moment. » Alors, les gens, ils se mettent à composter parce qu'ils sont intéressés par l'écologie. Est-ce que finalement, c'est pas que toujours un peu le même genre de personnes, un peu des bobos, ou est-ce que tu vois une réelle mixité sociale ? Alors les premiers, j'avoue, c'est le plus souvent le cas, c'est eux, mais pas forcément. Et puis ça dépend aussi surtout des quartiers dans lesquels on les installe. Mais c'est vrai que c'est le plus souvent les motivés. En plus, souvent aussi, plutôt les parents, pour que aussi les enfants apprennent quelque chose. Donc les jeunes parents, c'est le premier public touché. Et puis après vient tous les autres. Donc au final, c'est pas seulement les bobos, c'est tout le monde composte. Les parents voient les enfants, des enfants qui viennent tout seuls au compost, des gens de tout âge, des gens à la retraite, de toute origine. Il n'y a pas de limite, quoi. D'accord. Et alors aujourd'hui, au sens de l'humus, tu t'occupes de combien de compostières et avec combien d'habitants ? Est-ce que tu as aussi pu faire des calculs sur les tonnes de matière organique compostée ? Exactement, on a fait les calculs. En gros, maintenant, on est à 14 composteurs de quartier installés. Sur Montreuil, par exemple, il y en a 9 des 14 et ça représente plus de 1000 foyers. Donc 1000 foyers et à peu près toutes les semaines, sur ces 1000 foyers, il y en a bien la moitié qui compostent régulièrement toutes les semaines ou des gens qui viennent toutes les deux semaines, enfin ça c'est aléatoire, qui viennent avec l'équivalent facilement d'un seau de matière, enfin d'épluchure à composter. Donc j'ai plus les calculs en tête, mais ça représente du coup plus de 500 seaux par semaine, quoi. C'est la seule manière que j'ai trouvé de calculer le volume de compost. Donc ce qui est difficile aussi à mettre en place, c'est de trouver une source en broyat, en matière sèche, pour pouvoir composter. Parce qu'en fait, lorsqu'on composte, nous on préconise à peu près la moitié d'un volume d'épluchure qu'on apporte en broyat. Et en fait, il faut identifier cette matière sèche, pouvoir la porter sur place. Et ça, c'est pas toujours évident, surtout que les villes en ce moment, en fonction de leurs effectifs, n'ont pas forcément les capacités de créer du broyat. Donc du broyat, en gros, c'est produit avec des petits morceaux de bois. Voilà, c'est le broyage des branchages des arbres. C'est ce qui fonctionne le mieux, le broyat, pour le compostage, parce que ça n'a pas tendance à se tasser. Tandis que, par exemple, les feuilles mortes, c'est de la matière sèche aussi, mais ça a tendance à se tasser, donc le compost a tendance à s'humidifier, etc. Le mieux, c'est vraiment le broyat. Après, on peut mettre aussi des cartons, des boîtes d'œufs, etc. Mais le mieux, c'est le broyat, et on a vraiment besoin quand même d'une bonne quantité de broyat pour pouvoir composter. Et ça fait partie des choses les plus difficiles, c'est identifier cette matière sèche et trouver les moyens de la porter sur place régulièrement. Voilà. Il y a une scierie juste à côté. Oui, mais bon, c'est pas forcément leurs déchets qu'on récupère. Enfin, bon, il y a plein de... On ne peut pas récupérer facilement tous les déchets. Vous avez des projets avec les poules ? Parce que quand on paille les poules, ça peut être un bon complément. Oui, non, on n'a pas ce genre de projet. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas de poules au jardin, c'est parce qu'il faut quand même aussi s'en occuper. Mais oui, je sais qu'il y a des villes qui donnent des poules aussi aux gens. C'est pas le cas de Montreuil, mais oui, c'est une bonne manière aussi de traiter ces déchets organiques. Bah, bravo Anthony, du coup, et puis longue vie à votre association Sens de l'Humus. On va rencontrer après tes collègues. Oui. À deux pas de Paris, Montreuil au mois d'avril, avec le sens de l'humus. Alors, t'as les mains dans la terre ? Oui, c'est un mélange de terre et d'argile, avec un peu d'eau, à peu près moitié-moitié. C'est pour faire des bombes de graines, des seed bombs. Et du coup, là, le but, c'est... C'est pour une animation en fait avec des enfants. On fait une animation sur les graines et du coup on va faire le mélange. Ensuite on les laisse choisir leurs graines, ils les mettent à l'intérieur et après on va les lancer sur le terrain d'à côté pour végétaliser un petit peu quoi. Et avec quel type de plantes du coup ? Quel type de graines ? On peut mettre un peu de tout, mais le mieux c'est des plantes à fleurs, ça pousse assez facilement. Et c'est surtout pour si on fait ça dans une ville par exemple, c'est joli. Et avec des plantes mellifères par exemple qui attirent les insectes pollinisateurs, c'est toujours bien d'en avoir. Et puis voilà, après on peut choisir des plantes qui n'ont pas trop de mal à pousser parce qu'on ne va pas forcément pouvoir s'en occuper quoi. Donc généralement des plantes à fleurs c'est facile. Ouais, si on peut la mettre un peu sur le côté. L'autre côté. Je vais rajouter que j'ai des graines de... Tu mélanges tout ? De haricots, tu sais. Ok. Sinon, est-ce qu'on fait... Pour qu'ils voient un peu plus de... On les laisse celles-ci et puis celles qui sont consommables, on les met de côté et on leur donne après ? Ah bah les consommables, oui, on va pas les mélanger. Ouais. Ok. Non, ça c'est pour le... On peut mettre des lentilles aussi, j'ai ramené des lentilles corail. Ouais, mais c'est dommage de mettre ça là-dedans. Ah oui, tu veux dire pour oui, qu'on les mette juste après... pour qu'on les montre, pour qu'on leur montre un parce petit peu. Parce que ça va dans les ça va là-dedans, après, tu vois. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai, les lentilles, ça sert à rien. T'as raison, c'est un peu dommage. Ouais. Parfait. Bon. Ça devrait le faire. En fait. Vous allez voir, les allées, elles sont toutes petites. Vous êtes déjà venus, mais bon. On le connaît déjà, voilà. Mais vous avez raison, tu as raison de le répéter. Alors, en fait, on marche que sur les allées, surtout on marche pas en dehors, parce qu'en dehors, on a semé des choses, il y a plein de petites plantes qui sont en train de sortir en ce moment. Donc, je vous demande juste de faire bien attention à ça. Alors, nous les adultes, on prend les sacs, on les dépose et les enfants restent là. Voilà. Et après, il y a... C'est gentil, Jeanne. Ah ouais, en fait. Oh non, ils ont traversé. Là bas derrière la petite porte bleue. Mais vite, c'est pas une porte, c'est une bâche. C'est une vache. Ah, pourquoi il y a des orties tout autour? Oh, c'est tout petit. Ça sent l'odeur? Ah ouais, ça sent. C'est ça qui sent? Les sacs à dos. Ah ouais, c'est ça qui sent. C'est le truc machin. Je suis là, maîtresse. Oui, va faites un soin là-bas. On va peut-être manger. Alors, Simon, oh, tu peux te dire. Mais si, on va les planter. Mais non, ça se plante pas, il y a encore la coquille. Mais on peut les manger. Mais j'aime pas. Moi, j'aime bien. Et ça, c'est pas bon. Je déteste la noix de coco, j'ai de la terre. Ouais, c'est bien. Mais il y a personne qui se fait ici. Bonjour, Antonin. Bonjour. Donc toi, tu es un des salariés de l'association Le Sens de l'Humus, basée à Montreuil. Est-ce que tu peux nous parler de cette association montreuilloise? On dit comme ça, montreuilloise? Tout à fait, tout à fait. Alors oui, je peux vous en parler un petit peu. Vous dire que Le Sens de l'Humus a vu le jour en 2006, suite à un appel à projet de la mairie par rapport à des parcelles qui se situaient à un passe Gobétu. Il y a eu donc une parcelle de 400 mètres carrés. On s'est vu attribuer un petit peu sur le pouce cette parcelle. Quand je dis « on », c'est notamment Fabien, qui est reparti maintenant en Corse. Mais en 2006, il était à Montreuil. Il était passionné déjà d'agroécologie et de permaculture. Ça a commencé tout doucement sur ce petit jardin de 400 mètres carrés, en faisant des buts, donc un des principes de la permaculture, en faisant des spirales, en faisant voilà, un jardin atypique par rapport au jardin ouvrier classique, avec la mise en lumière du volet social, c'est-à-dire que l'écologie, le respect de la nature allait aussi de pair avec le respect de l'être humain. Ça donnait cette nouvelle couleur, mais qui n'est pas nouvelle, puisque dans la permaculture, l'être humain a une place essentielle. D'accord, voilà. Et alors du coup, tu as une collègue qui travaille spécifiquement sur le jardin solidaire avec des personnes qui sont au RSA, orientées par Pôle emploi. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, non? Qu'on les envoie dans un jardin en agroécologie et permaculture. Alors, on a réussi, effectivement, au fur et à mesure des années, à compter dans nos rangs Françoise, qui, elle, travaille déjà sur un jardin solidaire dans Paris, sur les toits, qui aussi a un rapport avec les murs à pêche particulier. Depuis, effectivement, le jardin solidaire a vu le jour. Et ce jardin solidaire, bah, justement, comme tu l'as dit, en permaculture, en agriculture naturelle, sur un nouveau site qu'on a eu aussi par la suite, c'est-à-dire ce jardin Pouplier, qui à l'époque était plutôt un site horticole plutôt traditionnel à la Montreuilloise, et qui, bah, avec le départ de Geneviève, l'arrivée de Françoise, prend vraiment la dimension de la permaculture, de l'agriculture naturelle, tout en respectant le patrimoine montreuillois et l'accueil des personnes en difficulté. Donc voilà, on est au cœur de nos envies, quoi, qui est de combiner ben, la relation avec les personnes peut-être plus en difficulté dans notre système et en même temps la préservation de la nature et la production locale. Voilà, l'économie courte, on accueille également une AMAP dans le jardin. Enfin voilà, on essaye d'être au cœur de toutes ces dynamiques. Donc le jardin solidaire qui est ouvert 3 matinées par semaine, qui accueille donc des personnes bénéficiaires du RSA, parfois des personnes qui pouvaient avoir certains problèmes d'addiction, ou des personnes qui venaient d'arriver en France et qui voulaient simplement pouvoir être dans un espace où ils pouvaient parler français. Et voilà. Dans cette association Le Sens de l'Humus, il y a d'abord peut-être un projet politique de changement justement sur l'agriculture, sur notre rapport à la nature. Toi, comment tu le vois en tant que salarié ? On est dans un lieu quand même très urbanisé, même si on a la chance d'être sur les murs à pêche, qui est quand même un site protégé. Donc est-ce que c'est une alternative politique, c'est-à-dire de l'organisation de la vie dans la cité, qui est possible à grande échelle, en tout cas en métropole, ça pourrait paraître compliqué pour le moment, mais c'est vrai que c'est un laboratoire un petit peu, c'est une illustration de ce qu'on peut faire aussi, c'est une façon de ne pas perdre les connaissances, une façon de faire ce qu'on peut aussi là où on est. Et donc en ça, c'est, tout ça, c'est politique. Là, on est sensible aussi à, justement à notre devoir de transmission, d'éducation auprès des plus jeunes, parce que c'est vraiment c'est la relève et ils sont pleins de bon sens. Là, on entend derrière nous les classes qu'on peut recevoir. Donc déjà, pour leur présenter justement le jardin, notre travail, mais aussi les faire participer grâce notamment à la confection de bombes de graines. Donc qu'ils apportent justement leur pierre à l'édifice. On mange tout ? Alors, regardez-moi, on peut tout manger, on peut aussi prendre que les pétales et enlever ça. Attends, je te disais, est-ce qu'on peut manger la tige ? Non, de préférence, tu vois, tu vas enlever cette partie-là. Tiens, regarde, en échange, je te donne la mienne. Alors tu enlèves... Tiens, tu prends doucement. Tu enlèves ce qu'il y a au bout. Mais on peut le manger, c'est juste que ça n'a pas ce bon goût fleuri. Alors enlève encore. Tu peux encore enlever cette petite partie. Tu peux enlever cette partie-là, moi aussi. C'est très bon. Et là, c'est très bien. C'est très bon, hein ? C'est très bon. Alors on en a mangé une, on va goûter d'autres petites choses peut-être. On va pas trop en manger, il faut en laisser pour tout le monde, d'accord ? C'est bon, oui. Tu trouves ça bon ou pas ? Bon, allez, va. On continue ? Oui. Attendez, que j'ai oublié comment ça s'appelait ça ? Ah ouais, merci. Yam yam, c'est bon. Oh non. Alors là, c'est là où on était tout de suite, avant de rentrer dans le sous-bois. Alors, on fait une petite pause ici. Vous voyez ici, c'est une des parties où on cultive beaucoup de choses. Donc quand on cultive, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on fait des petits rectangles dans lesquels on fait pousser. C'est entre les ficelles pour dire que c'est protégé. Et nous, on marche tout autour. Ça nous permet d'accéder et en même temps, que ce soit pratique. Oui, il y a des escargots. Est-ce que vous avez envie de voir la mare ? On va aller à la mare. Vous y êtes déjà allé ? Ah, oui. Ils y vont. Oui, quand même, je suis allée pour les toilettes. On les suit, on les suit. Alors, vous me suivez, moi ? Par ici ? Oui, on te suit, madame. Oui, on te suit, madame. On peut m'appeler Solène, hein. Solène, c'est bien, Solène. Alors, la mare, la règle, c'est qu'on s'approche pas trop. Oui ? Les fleurs ? Oui, on ira. Les blettes ? Les feuilles. Donc, c'était quoi, les feuilles ? Les blettes. Ils sont là-bas, les camions. Alors on s'approche pas trop, on n'a pas le droit de mettre ses pieds sur la pierre par exemple. Juste sur l'herbe, voilà. Mais il est où ? Ils sont où les plantes carnivores ? Ensuite vous allez voir qu'il y a des petits poissons. Alors c'était ici que vous aviez vu les plantes carnivores à l'automne ? Oui. Ah bah moi je les ai jamais vues les plantes carnivores. Oh les araignées ! Je pense qu'elles sont peut-être plus là. Moi en tout cas quand, depuis que je travaille ici, je n'ai pas vu les plantes carnivores. C'est pour ça que j'étais très surprise. Hein. Est-ce que vous voyez des choses là dans l'eau ? Oui ! Il y a quoi ? Il y a quoi ? J'ai vu les plantes carnivores ! Elles sont là ! Elles sont là ! Elles sont là ? Ah, c'était ça ! Ah bah tu vois, elles ont été coupées pour l'hiver. Oh ! Ah quoi que non, attends, celle-là ? Mais elles pouvaient nous manger ! Ah bah si, je pense que là c'est encore... Là on voit les traces, c'est là où... Peut-être, je connais pas cette variété, mais où peut-être elles mangent les moustiques. Mais non, parce que... Les moustiques ou les insectes ? Les abeilles. Mais il y a du fourmi. Alors, qu'est-ce que c'est ça justement ? C'est quoi ça ? C'est important ça de savoir. C'est des algues. Ah, je croyais que... Les algues, c'est très important, c'est pas juste un truc moche. Alors, j'ai une dernière chose, j'ai une autre petite chose à vous faire goûter, mais pour ça, il faut venir avec moi. Attention, on se retient un peu. Ça ? Ah oui, moi je passe sur le plat des araignées. Vous pouvez. Il y a une araignée. Pas les mains. Vous n'êtes pas obligé de... On les mange pas, mais on met ses doigts dessus. Regardez-moi, il faut faire le même geste que moi. On met ses doigts dessus, on frotte un petit peu, doucement. Et on rapproche de son nez. Ça sent quoi ? Mais moi je tousse, rien là. Attends ton tour, ça va venir. Alors ça sent quoi ? Qui va me trouver la bonne réponse ? Je sais ! La menthe, je sais ! La menthe, j'ai rien dit ! La menthe ! Tout ça, c'est de la menthe. Il y a des plantes carnivores ! Elles vont te manger ! Elles vont te manger ! Allez, revenez, on continue le tour, on n'a pas tout vu encore. Ah oui ! Allez, venez ! C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur internet.